Fable de Jean de La Fontaine. Livre 4. Le jet paré des plumes du paon. Un paon muet. Un jet prit son plumage, puis après se l'accommoda, puis parmi d'autres paons tout fiers se panada, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut. Il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué, et par messieurs les paons plumés d'étranges sortes. Même vers ses pareils s'étant réfugiés, il fut par eux mis à la porte. Il est assez de jets à deux pieds comme lui, qui se parent souvent des dépouilles d'autrui, et que l'on nomme plagiaires. Je m'en tais et ne veux leur causer nul ennui. Ce ne sont pas là mes affaires.